Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Et oui, de retour à puissance maximale après le laridé du poulet du Nalband. Et on va continuer avec Monsieur Materne pour nous jaser. BD, on continue avec sa chronique sur les comic books d'horreur ou gore. Tout dépendant de... Parce que Spawn, c'est pas tant d'horreur que c'est non, violent. Non, c'est plus la thématique, gore, ouais, c'est là. C'est plus la thématique démoniaque, halloweenesque, là. Mais là, t'as un autre titre pour nous, monsieur, ouais. Monsieur Materne? Lock and Key, une BD. On débouche encore des, oh oui, des comics. Donc, une BD, j'aurais plus d'atmosphère, un peu, c'est le mot, maison hantée. Dans le fond, ça raconte l'histoire de la famille qui perd le père dans un accident. Ben, pas un accident, dans le fond, dans un meurtre sordide, et qui emménage la maison d'enfance du père avec l'oncle et tout ça. De la visite. Donc, tout ça pour dire qu'on se ramasse un manoir qui a des phénomènes sur le sol que seuls les enfants peuvent voir. Dans le fond, les gens qui ont en bas de 18 ans, et avec certaines clés, il peut ouvrir des portes, soit dans des mondes parallèles, soit peuvent leur donner des pouvoirs temporairement. Donc, par exemple, dans le premier livre, la clé en tant que telle donne le pouvoir de devenir un fantôme. Tout ça pour ce qui finit par tout ça pour servir les besoins d'une entité surnaturelle qui hante le puits et les murs de la maison. En tant que tel. Fait très intéressant, le livre est écrit par le fils de Stephen King. OK. L'auteur est sous un pseudonyme, bien sûr, et le fils de Stephen King. Donc, comme je dis, c'est un peu comme papa, un peu de l'horreur d'ambiance plus que de l'horreur directe. On n'a pas vraiment rien de gore, on n'a pas... C'est tout joue dans les nuances, beaucoup. Ah, j'aime bien, parce que le titre, c'est « Lock and Key, Welcome to Lovecraft mm-hmm. ». On se rappelle tous qui est Lovecraft. Dans le sens de Howard Phillips. Et je sais que je pense que dans un de ses poèmes / récits, il y a justement un truc où il y a la clé et la porte. Donc, et ça voilà, sent, clin d'œil est là. Le clin d'œil à Lovecraft est là. Mais moi, j'aime bien les dessins. Sans farce, ça donne une atmosphère... ça donne une atmosphère lourde. Ça, c'est lourd, malsain, c'est mais il n'y a jamais rien de très grave qui se passe. C'est juste... Tout le long de la lecture, c'est lourd et malsain. Oh, c'est oui, ça. Je regarde les dessins, là, puis j'aime beaucoup ça. Comme on a le tueur, l'espèce de petit tueur psychotique qui revient voir la famille parce qu'il s'est sauvé de prison, puis il décide de prendre en chasse la famille. On se rend compte plus tard, spoiler alert, que c'est l'entité qui hante la maison, qui le pousse à commettre des crimes pour faire revenir la famille dans son lieu d'origine, avant qu'il ait la maison, pour, encore une fois, faire ces sombres dessins qu'on va probablement voir dans les volumes 2, 3, 4. Et ainsi de suite, avec d'autres clés et d'autres portes dans le manoir de Lovecraft. Ah, excellent. Non, j'aime beaucoup ça. Puis en plus, c'est une belle BD. Visuellement, là, elle est accrocheuse au regard. On va dire ça comme ça. Bon, après ça, on rentre dans le trash. Je me suis dit, bon, de l'Halloween sans le trash, ça vaut pas la peine d'être vécu. C'est ça. Donc, Miller et McKeven ont décidé de créer un petit univers parallèle. Ils ont fait deux BD là-dedans. Univers parallèle, c'est des What If, mais c'est sûr que c'est pas DC ni Marvel qu'ils ont fait. Fait qu'ils prennent des super-héros connus ou des concepts de super-héros connus et ils font, bon, qu'est-ce qui se passerait? Comme ils ont fait un BD qui s'appelait Superior, qui serait qu'est-ce qui se passerait si Superman arrivait vraiment dans le monde réel? Ben, c'est pas super cool pour Superman. Non. Donc, là, c'est ça que je vous parlais, c'est lui qui est un peu plus trash, c'est Nemesis. C'est un peu un qu'est-ce qu'il serait passé si Batman, au lieu d'être un millionnaire qui veut se venger du crime, soit un millionnaire qui s'ennuie vraiment, puis qui décide de faire de son argent, ben, je vais commettre des crimes que la police ne pourra pas résoudre et vraiment faire chier la police. Je vais envoyer une vidéo à la police avec mon costume et dire je vais tuer le commissaire de police un matin, vous pourriez y faire. Et il fait. Finalement, c'est par le pendant du Joker. Ah, c'est ultra... Ben, c'est comme si Batman prenait un peu le côté du Joker, justement. C'est ultra trash. Ah, on a ça. Des... Tu sais, à un moment donné, il ramasse comme le flic ultime des États-Unis. Soit c'est considéré comme le flic ultime des États-Unis. Un commissaire, je pense, c'est à New York, je pense, genre. Je me souviens plus de la ville exactement, vous m'en pardonnerez. Et il décide de le faire suer avant de le tuer. Je donne une semaine, tu vas souffrir. Puis après ça, ben, je vais te tuer. Fait qu'il met, juste dans quel point c'est trash, il kidnappe les deux enfants. Donc, puis il leur fait, il les torture de façon psychologique totalement horrible pour les redonner à son père en disant, gars, ce qui est arrivé aux autres, c'est de ta faute. Donc, vraiment, vraiment trash, Nemesis. Je recommande vraiment aux gens. Aux jeunes enfants. Aux jeunes enfants et aux personnes plus sensibles parmi nous. Non, c'est, écoute, je suis en train de jouer quelques cases, là, comme ça. On va sur cette image-là. Oh oui, là, On a le Némésis en question qui transperce le crâne d'un gars du sweat avec un genre avec sa matraque, carrément. Ah, moi, je dirais c'est une BD... Très bien illustrée et très bien détaillée. C'est une BD qui compte vraiment sur l'effet choc pour vous garder en haleine. Le hic, je trouve que des fois, ça va peut-être un peu trop loin. Okay. C'est un peu... Comment je pourrais dire? Tu sais, quand on écoute de quoi, puis c'est violent, juste pour être violent, pour dire « Ouais, non, là, c'est trop, là. » Mais parfois, ça me tente de le fermer, vous dites « Non, c'est trop. » Mais je trouve quand même que ça vaut la peine d'être lu, parce que c'est rare d'avoir une BD de cette qualité-là. Parce que oui, il y a des BD trash, ultra-violentes, il y en a des masses, puis la plupart sont même pas la peine d'être lues, parce que c'est juste trash pour être trash. Là, c'est trash puis violent pour illustrer un point. Dans le fond... Tu sais, la dérive, dans le fond, de ce que répète Batman, mais de l'autre côté. Parce que là, ouais, c'est ça, le Némésis en question, il est tout blanc. Mm-hmm. Il est blanc au complet, il y a pas d'oreille, il y a comme juste une cagoule. C'est un peu vraiment le même style de costume à la Batman, sauf qu'enlever tout ce qui a rapport à une chauve-souris. Mm. Ah, pour ça poursuivre par DC Comics, là. Ouais, c'est ça, c'est tout blanc. Non, sans faire, c'est ouais, après avoir parcouru quelques pages, là, ça a l'air assez trash, merci. Donc, Némésis... Donc, par Miller and McNivens, qui est Miller World, c'est ça l'éditeur? Ouais, Miller World, c'est un peu. C'est Mac Miller qui avait décidé de faire justement son univers où c'est qu'il fait des What If, mais il en a fait deux pour l'instant, qui est Superior et Nemesis. Dernière BD rapidement que je voulais parler, ce qui est plus ou moins une BD d'Halloween, sauf qu'on voit le titre, c'est Batman The Long Halloween, un classique de Jeff Loeb et de Tim Sales, qui sont deux, pas mal les auteurs fétiches de DC, pas mal qui ont été forts sur le Batman. C'est une histoire qui se passe quelques mois après Batman Year One, c'est-à-dire que c'est les premières années de Batman, il n'y a pas encore de Robin, le Joker est pratiquement un inconnu, Batman est encore une légende urbaine, où c'est que des crimes se commettent à tous les jours fériés et toutes les fêtes importantes du calendrier. Puis ça concerne toute la mafia sicilienne, donc Batman se met à courir après un tueur de mafieux. Okay. Tout au long de l'année. Et évidemment, ça plaît pas au Joker qui veut le mérite d'être le seul tueur psychopathe de la ville. Donc, le Joker s'en mêle aussi et part aussi en chasse. Donc, on a une espèce de chasse malsaine entre Joker et Batman. Le gars est un peu dans la merde. Oh oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à plusieurs reprises dans cette baie-là, on croit que l'affaire est résolue, qu'ils ont capturé finalement le tueur pour se rendre compte que ce n'était qu'un tueur parmi tant d'autres et que ce n'était pas vraiment le tueur du calendrier. D'accord. Joker, d'ailleurs, ça fait prendre aussi au jeu à un certain moment donné une BD un peu plus style vieillot, mais quand même très efficace, là, que je pourrais... Juste pour le titre, puis ça... Ah, j'aime bien le dessin. Un peu plus mature dans la lignée Batman. Non, j'aime beaucoup ça. Là, je parle pas. Donc, Batman, The Long Halloween. Sur le Joker, il a la face pointue. Ah oui, beaucoup. Il y a beaucoup de dents aussi, tu remarqueras. Non, effectivement, pas mal. Ah, c'est belle fun, ça. Non, c'est ça, c'est plus vieillot un peu, mais ça fait un peu psychose, ce genre de dessin-là, oui. Je trouve. Ça déforme, les personnages sont déformés. Oh, oui, vraiment c'est des caractères exagérés. Encore une fois, des traits de caractère exagérés. Un look un peu malsain. Oh, un oui, peu, tout à fait. Oh, oui. Surtout pour le Joker, là. Tu vois totalement que le gars, il est pas correct dans sa tête. Ah, non, c'est clair. Et là, je pense que tu as un dernier titre non, pour c'est, nous. C'est dernier c'était le dernier. Titre, bon. Oui, c'était le dernier. Mais merci beaucoup, Julien, de nous avoir parlé de ces BD. Bien évidemment, vous pouvez trouver ça dans votre magasin de comic book préféré. Première issue de suggestion. Ouais, première issue, l'autre bord des Portes Saint-Jean. Première rue à droite, qui est la rue d'Auteuil, vous allez tomber dessus. Une référence dans toute la région, même partout en Amérique du Nord. Puis Julien est un très bon client, d'ailleurs. Toi aussi, je pense, t'en viens popper. Ouais, quand même, ouais. Il vient d'avoir son casier, là. Ah, ouais, c'est bon, ça. Je vais arrêter de me pointer. puis, Donc, et voilà. Merci beaucoup, Julien, d'être passé pour avoir parlé BD. Et on va retourner en musique, mesdames et messieurs, parce que c'est déjà la fin de la première heure de Puissance Maximale. Et après ça, on vous revient encore avec Julien pour vous parler encore une fois de super-héros, mais là, de Batman et du jeu qui est sorti la semaine passée, Arkham Origins. Mais avant tout ça, on va aller écouter Keith Kuna, un artiste que j'aime beaucoup de la région de Québec, qui fait de l'excellente musique. Et ça s'appelle, on va aller entendre la chanson qui s'appelle Labrador. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. Quand je suis parti dans le Labrador avec rien qu'une canne de ragoût, une paire de bobs pis un foulard m'a dit que je passais pour un fou. J'étais arrivé là, y'avait plus de chemin, y'avait de la neige en plein mois d'août. Juste la toundra, pis des Indiens, ben des lacs, pis des caribous. Salut les gars, moi j'pars dans le nord, tripé dans le bois, Labrador. Salut Tipite, salut Bozo, moi j'pars un trip en bas de zéro. Rien à faire, y'a rien que du fort, pis de la grosse bière. Dans le Labrador, c'est la nature, tout ce qu'il y a dehors, c'est de l'air pur. Là-bas, y'a pas grand chose qui pousse, on dirait que la vie est en panne. Des truites de 30 pouces, tu chasses des reines gros comme une vanne. Il fait pas chaud, Labrador, couché sur deux, trois peaux de castor. Tu grelottes ou ben donc tu te frottes sur une squaw qui a des grosse canotte. Salut les gars, moi j'pars dans le nord, tripé dans le bois, Labrador. Salut Tipite, salut Bozo, moi j'pars un trip en bas de zéro. Dans le Labrador, y'a rien à faire. Dans le Labrador, c'est la nature, tout ce qu'il y a dehors, c'est de l'air pur. Mes chers amis, pour terminer, je me dois de vous dire la vérité. J'ai jamais mis un pied là-bas. Je me suis juste dit que ça devait être comme ça. Peut-être bien que c'est sale et pis que ça pue, comme à Montréal, comme dans mon cul. Mais ça, ça me surprendrait ben gros. Le fret, ça fait peur aux robots. Salut les gars, moi je pars dans le nord, triper dans le bois, Labrador. Salut Tipit, salut Bozo, moi je pars un trip en bas de zéro. Dans le Labrador, y'a rien à faire, y'a rien que du fort, pis de la grosse bière. Dans le Labrador, c'est la nature, tout ce qu'il y a dehors, c'est de l'air pur. Dans le Labrador, oui, t'as la paix, tu fumes en sarf le calumet. Dans le Labrador, c'est fret en crise, mais au moins tu vois pas de police. Mais au moins tu vois pas de police. CJMD 96.9 FM. Hey everybody, this is Brennel Floss. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo! Et oui, de retour à Puissance Maximale, après cette excellente chanson de Key Kuna, qui s'appelle Labrador. D'ailleurs, si vous avez la chance d'aller acheter ces deux CD, ça vaut hautement la peine. Go, go, go! Je l'ai vu en show, moi, cet été, c'était tout un party. Et ceux qui ne savaient pas, ben c'est l'ancien chanteur des Ghouls. Mais ça, ça me disait quoi aussi? Un excellent groupe aussi. Canada Poche. Qui n'existe plus, malheureusement. Mais si vous pouvez tomber aussi sur leurs chansons, tapez ça sur YouTube, vous allez voir, ça déménage pas mal. Et là, on est de retour à Puissance Maximale pour vous parler jeu encore une fois. Mais là, on va parler avec encore Julien Materne, encore de Batman. On va aller me promener. Ouais, c'est ça, aujourd'hui, Andrew. Tranquille, ben, remarque tranquille, on va dire ça de même. Tu bouges pas mal dans le coin de la console, mettons. Ouais, mais c'était un combat de pouvoir pour la PlayStation 3 entre Andrew qui voulait jouer à Metal Gear puis Fiston qui voulait jouer à Batman Arkham Origins. Mais malheureusement, c'est sa Play 3 à lui, fait que j'ai dû m'incliner. I'm Batman! Et là, justement, on va parler de Batman Arkham Origins, jeu qui est sorti la semaine passée sur PlayStation 3. Moi, j'ai Xbox PlayStation 3. Xbox 360. PC aussi. Et PC aussi. Qu'est-ce que j'attends pour l'avoir direct sur mon ordi? Puis les deux versions aussi, Blackgate, qui sont sorties sur PS Vita et sur DS, que je n'ai pas essayé encore. Éventuellement, quand j'aurai une des deux consoles, je le ferai. On mettra sur la tâche. Ouais. Andrew, il a l'air dubitatif. Donc, Arkham Origin, je dirais, pour ceux qui ont adoré Arkham Asylum et Arkham City, c'est un jeu pour vous. Pour ceux qui ont détesté ça, oubliez ça. Non, tout de suite. On est dans cette lignée-là. Ça, allez vous faire un sandwich, parce que ce que je veux parler, honnêtement, je sais que le jeu a des critiques mitigées jusqu'à maintenant. Il y a une bonne raison, c'est parce qu'ils ont pratiquement rien changé. Okay. Le système de combat est similaire, quelques petites améliorations, rien de fantastique. La map est... Assassin's Creed. Oui, j'adore le jeu, mais honnêtement, c'est la critique que j'allais faire. Quoi que je trouve que la mécanique est plus intéressante dans les séries d'Arkham que dans celle d'Assassin's Creed. Mais en même temps, quand tu as un système de combat, un système de jeu qui est intéressant, qui marche bien, tu n'es pas obligé de le remplacer, c'est ça. Là. C'est pourquoi réinventer la roue. C'est ça le parallèle que j'ai fait avec Assassin's Creed. J'aime bien le système comme il est. C'est pas vraiment la critique que je ressors quand je parle du 3, mettons. Mais si ça marche bien, pourquoi pas le garder, justement? Mais au niveau du storyline, on est où, là, comparé aux deux autres épisodes? Les forces de jeu-là, un, c'est le storyline. On est un peu, comme je disais, Batman Year One. L'année... dans le fond, ça se passe... Si on suit les références, ça se passe tout après la BD Batman Year One. C'est qu'il vient de déclarer sa guerre à la mafia. Les policiers savent qu'ils existent, mais c'est très, très... C'est Gordon et une couple d'autres policiers savent que Batman n'est pas un méturbain. La population de Gotham, quand on se promène un peu partout, font « Qu'est-ce que je viens de voir? » Parce que, quand je dis à ce moment-là, Batman, dans l'histoire, est encore une légende urbaine. La part des criminels, ceux qui l'ont vu, du moins, ont passé une très mauvaise journée. Les autres, ils en ont entendu parler. On commence le jeu, on est dans une Batcave un peu... déglingué, il vient de commencer à la bâtir. Alfred descend en bas d'une échelle de corde et lâche la remarque: tant que j'ai pas à descendre en bas d'un pôle à pompier, tout va bien aller. C'est bon, ça, c'est un beau clin d'œil. Et on a Bruce qui, on voit encore dans le fond l'établi avec les sirondes, les drills. Il a pas encore fini de bâtir sa Batcave. Okay. Il est en train de commencer. La Batmobile est dans un coin en train de se faire bâtir aussi. Il y a juste l'avion pour l'instant. On est le soir de Noël. On starte ça bien. Hein, ah oui, il y a moi là. Oh, le char. Non, l'avion. Ça me paraît un avion. C'est ça. That's it. Ce qui n'est pas efficace parce que c'est un peu le fast travel du jeu parce que la map est beaucoup plus importante que celle d'Arkham City. Quoi qu'on reconnaît beaucoup, vu que c'est la même ville, ils ont resté beaucoup les édifices puis les quartiers d'Arkham City. Veut pas, ça reste la ville de Gotham. Mais dans une heure, c'est que c'était beaucoup plus beau. Parce qu'on parle d'une couple d'années avant. Ouais. Ça pour dire, en tout cas, pour revenir à la trame narrative, on est dans le jour de Noël. Batman vient d'apprendre, dans le fond, que Black Mask, qui est pas mal, à l'époque, était le numéro un boss mafieux de la région, a décidé qu'il donnait X millions de dollars au premier qui tuait Batman ce soir-là. C'est 50 millions. 50 millions à quiconque tue Batman ce soir-là. Résultat, ça attire pas mal tous les gros assassins de l'univers de DC Comics. On a Deathstroke, Killer Croc et une myriade d'autres, plus ou moins connus dépendamment. Comme disait, quand on était à la conférence à New York Comic Con sur Batman Arkham Origins, l'important, c'est pas qu'ils soient connus, l'important, c'est qu'ils donnent un bon challenge aux joueurs. Ouais. Donc, ils sont achetés plus des personnages sur le gameplay que d'autres choses. Par contre, Deathstroke est pas l'un des boss les plus sacrants que j'ai vu de ma vie. OK. Ça fait qu'il faut... T'as pas joué à Metal Gear Rising. Non, non, j'étais encore trois mois après Deathstroke. Dis-moi jusqu'à date, parce qu'il y a pas beaucoup d'heures actives non. pour l'instant. L'autre force, la force de Origins, c'est l'histoire, premièrement, parce que si vous aimez l'histoire des deux premiers, vous allez aimer ça. Dans Arkham Asylum, moi, j'ai pas joué encore à Arkham City, mais à culpa. Mais pour Arkham Asylum... L'histoire était cool, mais c'était pas prenant, je trouvais. Tu sais, oui, là, le Joker est là, c'est à lui tout ça. Il organise un gros party, puis tu sais, Batman, il va se faire la passe. Mais ça reste pas mal ça. Ça part l'histoire du Venom boosté. Ça résume pas mal mais bien l'histoire. Mais dans Arkham Origin, ça va être la première fois qu'il va rencontrer plusieurs personnages, dont le Joker, qui est un total inconnu au début du jeu. Batman en entend parler par un gars qu'il aurait peut-être vu, puis ce gars-là travaille pour Black Mask. On voit, tu sais, encore une fois, le Joker aussi est une légende urbaine à ce moment-là. C'est au travers d'une reconstitution de scènes de crime. Qui se rend compte qu'il y a un doute qui arrive de nulle part, puis qui tue des gens parce que c'est drôle. OK. non, mais c'est ça peut apporter justement une histoire intéressante. On voit aussi. Plus immersif là, que dans Asylum. Oui, parce qu'on se bat pour la vie de Batman. Dans le fond, on ne protège pas une partie de la ville. Batman se bat littéralement pour sa vie. Il faut qu'il trouve Black Mask pour qu'il arrache la tête, dans le fond, puis le mettre en prison avant que lui se fasse tuer. Mais comme dit Alfred, pourquoi tu fais ça, Bruce? Parce que dans le fond, tu peux juste rester à la maison toute la soirée, puis ça aura juste plus rapport demain matin. Il fait, ben ouais, mais là, c'est sûr qu'ils vont mettre des gens innocents en danger pour m'attirer. Ouais, c'est ça. Effectivement. Donc, il prend les devants et il va varloper royalement le pingouin dans le processus, qui était une des parties les plus jouissives du jeu. Ah, j'ai hâte de voir le pingouin. Parce que moi, le pingouin, je ne l'ai pas vu beaucoup. C'est ça, je l'ai pas lu tant de comic books que ça. Donc, tu sais, un character design plus adulte, là, justement, là, le pingouin, c'est Cobblepot, c'est un homme à femme. Ouais. Oh oui. Ah, j'ai hâte de voir ça. Du moins, quand il est payé. Ah, OK, ce genre de fable-là. Donc, vous dites, map qui est beaucoup plus grande aussi. On parle pas un sandbox quand même. Ben oui, puis non, parce que c'est sûr, c'est pas la grandeur de GTA, mais c'est quand même plus gros qu'Arkham City. Donc, ça avait aimé Arkham City, du truc Arkham City grand. Arkham Origins, vous allez beaucoup apprécier. On traverse le pont maintenant, cette fois-ci. Ah. Avant, on arrêtait là. Mais là, c'est ça, côté gameplay, là, tu dis que ça ressemble pas mal. Ouais. Les gadgets sont un peu différents, parce qu'on dirait les gadgets peut-être un peu moins efficaces, peut-être différents parce que c'est la première année de Batman. Il y a un peu l'effet Megaman dont on avait entendu parler à la conférence à New York Comic Con. Tu sais que quand tu bats un boss, tu ramasses son arme. Ah, OK. Donc, c'est ça. C'est un petit peu un effet Megaman qui fait que l'arme que tu vas ramasser va permettre de sauver le puzzle que tu avais, qui fait que tu pouvais pas passer quelque part avant d'avoir battu ce boss-là. Je pensais que tu allais dire effet Megaman, tu te fais tuer deux fois, t'es mort. Non! Avec Deathstroke, oui, mais... Il y a un des ajouts intéressants au jeu, c'est lorsque vous êtes en mode détective, vous pouvez réellement faire une simulation de la scène de crime qu'il y a eu lieu avec les indices que vous trouvez, la trajectoire de la balle, qui vous permet de revoir un peu comment la scène de crime s'est déroulée. Ah, trouver un indice, mettons, ça permet, si tu rewind la scène de crime, la simulation de scène de crime, de voir où c'est, mettons, le téléphone cellulaire de la personne est tombé, et ramasser le cellulaire pour voir qui a appelé. Ah, c'est bon, ça. Que t'aurais pas trouvé sans ça, parce qu'il était tellement disséminé partout dans la pièce. Ou il peut être un autre cadavre ou quelque chose. C'est le fun, ça. Autre aspect, le multijoueur qui a été ajouté. Pas d'une façon que j'aurais cru, mais qui aurait fait, moi, comment je le voyais au départ, c'est que je pensais qu'elle nous peut faire un multijoueur un peu comme, on prend deux ou trois personnages, puis on va nettoyer la place. Un peu un mode... zombie ou la horde, là, dans le fond, t'as plein de criminels en bas, ramassez-les toutes. Ils ont pris une tournure un peu différente, que j'apprécie quand même. Le multijoueur ressemble beaucoup à ça de Mass Effect 3, sauf qu'on se bat pas contre une multitude de NPC, on se bat un contre l'autre. Donc, dans le fond, comment ça marche? Vous avez, moi, ce que j'ai réussi à jouer, c'est 6 personnes. 2 dans la gang du Joker, 2 dans la gang de Bane. Ces deux groupes-là se battent pour des territoires. Donc, ils sont sur une map, il faut qu'elle capture les territoires et qu'il élimine l'autre équipe en même temps, un peu à la Battlefield. Okay. Et aléatoirement, dans ces deux gangs-là, sont choisis un Batman et un Robin. Eux, leur job, c'est d'empêcher ce monde-là de capturer des points et de s'entretuer, c'est-à-dire en les assommant, en les ramassant, puis ils peuvent gagner la partie en arquant ce monde. L'aspect qui est le fun, c'est que t'as les deux groupes qui se tirent sur la gueule, mais faut quand même qu'ils soient assez parano pour regarder en l'air tout le temps. Ah, c'est bon ça. Parce que j'avoue que ça peut être. Je suis tout à frileux, moi, quand j'ai une franchise. Ah, on va mettre du multiplayer. C'est pas la découverte du siècle, mais ça garde les choses intéressantes parce que t'as trois factions qui se tapent sur la poire, puis t'en as une qui est complètement différente d'autres. Les autres ont toutes des guns. Le système marche très bien. C'est joué à Mass Effect, multiplayer, ça ressemble beaucoup à ça. À part qu'on se tire un contre l'autre. Puis, quand les équipes ont assez de points, ils peuvent amener soit le Joker ou Bane dans l'arène. Donc, si l'équipe de Bane a assez de points, ben, le premier joueur qui sera en spawn point de l'équipe de Bane devient Bane. Et il a des pouvoirs spéciaux. Même chose pour le Joker, tu as des gadgets spéciaux. On peut aussi, avec le quand tu gagnes l'expérience, gagner un peu d'argent, entre guillemets, et acheter des items supplémentaires. Okay. Comme le Joker, ils ont le droit à une espèce de ballon télécommandé qui explose. Ils ont un drone hélicoptère qui se promène puis qui filme la scène puis qui détermine des cibles. Batman et Robin, eux, ont tout l'équipement qu'ils ont dans le jeu. Donc, c'est pas des guns, c'est des batarangs, c'est des ça. Mais il faut qu'ils s'en servent de façon. Qu'on du monde qui ont des guns puis qui sont pas des NPC, qui réfléchissent un peu. Ouais, donc, ça change un peu la dynamique du jeu. Fait que, tu sais, oui, tu vas tirer un batarang, tu vas l'assommer, ça va te permettre d'attraper l'autre. Mais là, le NPC dans le jeu, il se rendra pas compte, t'as assommé sur le chemin de lui. Non, là, le joueur. Hop là, hey, le gars à côté de moi, il est tombé. Il va lever son gun en l'air. Alors, ça, il va commencer à checker autour. Donc, c'est pas le multiplayer du siècle, mais ça peut quand même vous amuser pendant une couple de soirées. Mais moi, pourvu qu'il n'ait pas fait, on va enlever genre 14 heures de temps de jeu parce qu'il y a un multiplayer. Non, ça peut être le cas. C'est ça, c'est juste ça qui me fait peur parce que c'est ça qui arrive souvent dans les. On parlera de Grand Theft Auto tantôt. Là. Oui. Je suis en train de jouer encore. Là. On en reparlera. Pour la énième fois. Ouais, c'est ça. Je ferai un petit coup de gueule tantôt. semi. Là. Mais bref, c'est sûr, je trouve le mode quand même intéressant. Au niveau graphique, on est-tu... Une petite coche supérieure au Arkham Origins. Dans le fond, c'est la fin de vie de la PlayStation et de l'Xbox. Les consoles sont poussées au maximum. Sûr que le dénominateur commun le plus bas étant l'Xbox 360, ça reste au niveau maximum de l'Xbox 360, mais c'est quand même un très beau jeu. Prend beaucoup plus place que ses prédécesseurs à ce niveau-là aussi. Les loadings, sont un peu moins longs. Je l'ai remarqué. Parce que Arkham City, c'était par bout assez horrible. Ouais. Quand tu finis de te faire descendre, te faire dire par le Riddler que t'étais poche, ça n'est des envies de meurtre. Là, c'est un peu moins pire. Moi, j'étais tanné pour ça dans Arkham Asylum. Tu rates ta shot, là. Le Joker, il va-tu fermer sa gueule? oui, je sais, je l'ai raté pour la 10e fois. Sac ton camp, là. Je veux. c'est pas juste que. Ça, à la limite, tu vas juste entendre ça. C'est parce que les loadings sont vraiment long. Fait que non seulement tu l'entends le dire 20 fois, mais il prend tout son temps. Non, c'est ça. Mais là, c'est beaucoup moins pire. Donc, je dirais, pour finir là-dessus, c'est beaucoup de la même chose. Donc, c'est un peu le même problème qu'on commence à rencontrer avec les Assassin's Creed, avec les Call of Duty de ce monde. La différence, c'est que je trouve que le jeu est beaucoup mieux réalisé que les autres franchises par rapport à ce qu'on a. Fait qu'on a la même chose, en fond, plus beau, plus rapide, plus fort. Plus grand. On serait plus à une version achevée un peu là, des autres titres de la franchise. Donc, c'est quelque chose d'un jeu très solide. Si vous avez aimé les précédents, garochez-vous dessus, vous ne regretterez pas. Si vous n'avez pas aimé ça, c'est pas ça, c'est pas lui qui va vous faire aimer les autres. Donc, il vaut la peine d'être joué juste pour le storyline, pour le plaisir de redécouvrir les origines de Batman. C'est peut-être justement une petite expérience le fun justement pour s'introduire à Batman aussi. Si on connaît pas toute l'histoire, justement, on a peut-être à voir quelque chose à ce niveau-là. Exactement, pour se coucher moins niaiseux. Et donc, la question qui tue, monsieur Materne, combien de batarangs sur 10 pour... Je donnerais 7,5.5 sur le fait que c'est 7,5.5. C'est 7,75. C'est ça. Ah ben oui, tout à fait. Parce que dans le fond, c'est juste plus... la même chose. Donc, ça aurait changé beaucoup plus de choses dans le jeu, ça aurait été plus haut, ça aurait été plus bas. Ça aurait eu des ajouts... spectaculaires. Ouais. Je vais aller pas mal... Je serais pas aussi brutal qu'à part des sites de critiques qui l'ont descendu. Il y en a beaucoup qui ont donné des bonnes notes, mais il y en a beaucoup qui l'ont descendu parce que c'est la même affaire que les autres. Ouais, mais c'est bon. Oui, ouais, mais c'est... C'est la même affaire d'une bonne chose. Suivante. Call of Duty, lui... Ouais. Non, c'est ça. Mais tu penses que Call of Duty, c'est que tu changes pas juste les guns. Là, tu changes le storyline, tu changes le... Il y a un changement graphique important, il y a un changement sur la map. C'est pas juste une coupe de guns de plus. Mais cet argument-là, moi, je trouve ça complètement débile. Ah, c'est la même affaire qu'avant. Pour le gameplay, on s'en sacre. C'est justement parce que c'est une formule gagnante qui revient. Nous, ce qu'on veut, c'est un nouveau storyline. Peut-être des ajouts, justement, comme dans la série Assassin's Creed avec. Mais comme le 2, ça a amené un multiplayer dans le Brotherhood. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais dans le Brotherhood, ça a amené, justement, de gérer une équipe d'assassins. Tu sais, il y a eu des plus, là, quand même. Pas obligé de refaire le jeu à chaque fois, ça, je trouve ça complètement crétin. Ben, quand une franchise qui roule sur le même système depuis pas longtemps, Dynasty Warrior. Ouais, c'est ça. Mais tant que c'est bon, même si c'est la même affaire, c'est bon. Le problème que je trouve d'Assassin's Creed, par exemple, c'est le storyline. Du 3 qui ont quand même après Ezio, je veux dire, Ezio, c'était là, je veux dire, Renaissance, on est dans un contexte. Après Brotherhood, ça a déraillé, sérieusement. Oui, non. Revelation, c'était n'importe quoi. Puis le 3, on s'entend, là, l'histoire de Templar, c'est parce que les Templars, c'est une société catholique, les Anglais sont protestants, c'est ouais, quoi le rap? Ça, à la limite, ça me dérange pas trop. C'est ouais, surtout mais le fait c'est, que... Moi, c'est pas une série qui se prône d'être historiquement, en tout cas, dans la fantasy. Ouais, mais ça, Templier, ça va au-delà là, des religions, c'est une société secrète, point barre, là. Enlève la religion de ça. Ouais, OK, t'sais. Mettons. Mais c'est juste le J'avais fait accroché. Que le storyline... Il n'est pas aussi prenant dans le 3. C'est pas que le personnage de Connor n'est pas le fun. Tu sais, je trouve ça intéressant, un métis. Le concept est le fun. Le personnage n'est pas le fun. C'est pas que le personnage n'est pas le fun, c'est grave, mais il n'y a rien à dire. Il manque de viande autour de ses os. Mm. C'est ça qui manque, puis c'est ça le problème du jeu. Puis son maudit graphisme. On dirait que depuis Assassin's Creed 2 et tout ce qu'il y a dans cette gang-là, là, de 2, là. Il semble que les graphiques... Ça se tarlait, hein? Les gars, come on! Là, comme vous êtes capable de faire plus. Sans compter les bugs. Oui, le 3, il y a plein de bugs. assez solide. Là. Fait que moi, le 4 est sorti. J'ai parlé d'ailleurs M. Courtemanche, Pierre, pour ne pas le nommer. Un auditeur fidèle de l'émission m'a texté un peu là, des commentaires. Puis, il en a posté sur Facebook aussi. Je sais que Pierre il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la série. Il avait l'air d'avoir des bons commentaires. Puis après, le stock qu'il avait fait, il avait l'air de rester des affaires à faire dans le jeu. Moi, pourvu. Puis là, il y avait ça aussi dans Batman qui me tapait ses nerfs, là, les maudits collectibles. Là. Elle va là-bas ramasser ça. Il y en a moins dans Arkham Origin. Ah, tant mieux. Il y en a moins. Mais une affaire, je dis, c'est qu'ils ont augmenté la qualité graphique dans Arkham Origin, sauf qu'il y a des petits frames drop des fois. OK. Mais je dis, c'est pas au niveau d'Assassin's Creed 3, par exemple. Là. C'est jamais, là. Non, mais là, ça, c'est un gros problème de la série Assassin's Creed, les maudits collectibles. Tu comptes pas ça dans tes heures de gameplay, tes heures jouables du jeu, de te promener sur toutes les cristies de map du jeu pour avancer des plumes d'aigle. Non, c'est pas du jeu, ça. Ça, c'est du taponnage. Pour ce que ça donne, surtout, là, hey, ça donne une cape. Hey, ça donne sweet fuck all dans le gameplay. Ça améliore pas ton gameplay. Non, je m'excuse, c'est faux. Ça donne un achievement. Ah, wow. Hey, ça, là. Si tu veux avoir la platine puis passer 100% de ton jeu, faut que tu ramasses toutes les plumes. Ça, comment niaiser les consommateurs? On va vous enlever des heures de gameplay, vous allez faire des collectibles, ce que ça va vous donner, c'est un achievement. Les achievements, là, plus grosse niaiserie qui est arrivée... Attends, je vais sortir une expression pour toi, Mike. Tu t'en turbo-torches. Ah, tellement, là! Hey, sans farce! Ça sent le prochain coup de gueule, ça, Mike. Ah, écoute, on s'en va en musique, puis on en revient en coup de gueule, là. Il est craqué, tout à fait. Il est prêt. Puis là, je vais me craquer encore plus avec Arm Cannon et la chanson « Marty Myfin ». Qui est une reprise des Mighty Morphin Power Rangers. Ça rock, puis on en revient au coup de gueule improvisé à puissance maximale. C'est JMD 96.9 à Lévis. CJMD 96.9, la radio qui s'implique dans sa communauté. This is Billy from the Game Chasers, and you're listening to Puissance Maximale. That's just the way game chasing go. On est tellement de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Calme-toi. Puis là, je suis fâché. Calme-toi. Faut dire que là, depuis le début de l'émission, il y a plein de trucs qui me font chier. À cause qu'on a des problèmes, on a eu des problèmes techniques. Pour ceux qui viennent d'arriver, ben, il y a des bonnes chances qu'il nous manque la première heure d'émission à cause de problèmes techniques sur le streaming. On s'excuse. Normalement, on a une solution de secours qui n'a pas marché non plus. Donc, je suis pas super content présentement. Puis là, on est arrivé sur le Christie de sujet des maudits achievements. Ça m'énerve. Ça m'énerve à un point que vous êtes pas... Vous le savez pas, c'est à quel point ça m'énerve. Vous voyez pas en studio à quel point la face de Mike est rouge. J'ai une chemise rouge, là. Je devrais être bon pour atteindre cette couleur-là. Attention les enfants, attends les parents, allez cacher les enfants. À quoi ça sert des achievements? Ça sert à rien. En fait, je vais te résumer ça. excusez-moi si je vais utiliser un terme qui peut choquer certaines personnes, ça sert à comparer notre graine à quelqu'un d'autre. J'en ai rien à cirer, moi, de savoir. En tout cas, mon opinion, c'est ça. Moi quand je vois. Oh, oui, c'est ça. Non, savoir c'est qui a plus longue, là, ça m'intéresse pas de savoir ça dans un jeu. Moi, je veux du gameplay, je veux des heures, je veux de la viande dans mon jeu. On en a déjà parlé de ça, mais c'est une gangrène dans l'industrie du jeu vidéo de nous sortir. Ah, ben là, si vous ramassez justement les 100 maudites plumes d'aigle. Là, ou les points d'interrogation du Riddler. City, ouais. C'est ça. Au moins, si ça te donnait. Puis encore là, il faut que tu ramasses ça tout le long du jeu. Hey, c'est pratique ça. T'as fini le jeu, t'as te ramassé les cristis de points, puis là, hey, ça te donne quelque chose. J'ai fini le jeu! Ok, j'en vais me tenter peut-être de rejouer d'ici une couple de mois, peut-être un an. Je m'en sac-tu, moi, mais que je leur commence le jeu, je vais leur faire au complet. Ça m'énerve, là. Ça. Combien de temps tu vas perdre sans faire à chercher les cristis de plumes ou les points d'interrogation? Parce que t'es père, toi, ces minutes-là. C'est du temps perdu, tu dis? Hey, solide. Ah, c'est n'importe quoi. Ça me fait capoter. Puis là, les achievements, là. Ça donne. C'est ça, ça, tout ce que ça fait, c'est que tu vas dire: ah, Andrew, j'ai plus d'achievements que toi. Puis Andrew va me répondre: je m'en sac dessus. Je m'en sac dessus, tu sais. À moins que le chemin, c'est avoir tué 50 et demi la tête à l'envers avec en jouant avec tes pieds, genre. À limite. Mais il y en a que c'est ça quasiment, par exemple. Oui, à limite, là. Ça, oui. Mais moi, quand j'ai commencé à jouer avec les nouvelles consoles de cette génération-là, avec la PS3, puis ben. Ah, mettons, les tests par les achievements de collectionneurs, là. Ramasse tant d'affaires, pogne le Pékinois de la madame, promène-le puis ramène-le. Hey, non. Mais le problème avec ça, c'est qu'on a des joueurs qui se comptent: hey, hey, j'ai des achievements, puis qui font. On dirait que ça endort le sens critique des joueurs. Hey, le gros, courir après des plumes d'aigle, ça te fait perdre des heures de jeu. Il se passe rien. Tu te promènes sur la map. C'est long. Ils sont même pas visibles, hey, sur la map. Je sais pas, il faut t'acheter des cartes in-game. On parle d'Assassin's Creed, là, parce que là, c'est l'exemple qui me vient en tête. Là, mais il y en a plein, là, comme ça, là. Puis souvent, il y a des jeux, là. Le seul Christy de but du jeu, là, c'est d'avoir des achievements. Bravo. Hey, j'ai tué 25 personnes au shotgun. Je m'en sac. Mike, il n'y a qu'un seul jeu où tu peux tous les collectionner. C'est les Pokémon. Ouais, mais ça donne ça donne de quoi, parce que t'as une bébite avec des nouveaux pouvoirs dans le jeu. Puis en plus, y en a pas d'achievement dans ce jeu-là. Ah, mais c'est quoi, c'est qu'ils disent encore pire? C'est qu'à ça, les compagnies de jeux vidéo, là, en conférence de presse, ils disent: hey, dans notre jeu, là, on a des achievements. On en a 400, là. Vous allez aimer ça. Oh, sérieusement, là, j'ai l'impression. C'est rendu ça, là. J'ai l'impression qu'un jour, l'industrie va sortir des DLC pour rajouter des achievements. Puis tu sais, Mike disait que ça endormait le monde, là. Mais le monde, à ça, là, si t'as pas de trophée dans un jeu, il chiale, là. Ça marche pas, là. Hey. Hey, j'ai pas de trophée. Non, ben moi, je pense que l'affaire que j'ai trouvé le plus aberrant, c'est à un moment donné, j'ai dit: hey, j'ai terminé tel jeu. Tu sais, je l'ai fini. Ok, fait que t'as tous les trophées. Ben non. Mais t'as pas fini le jeu. Et encore? Ben oui, j'ai fait le story, je me suis rendu à la fin, là, j'ai fini le jeu. C'est ça, hein? Finir un jeu. Et après ça, il dit: ouais, mais là, les achievements dans le multijoueur et tout ça. Ouais, mais je m'en fous le multijoueur, moi. Si t'en regardes ça, le côté, mettons, on parlait d'un jeu de combat ou d'un shooter. Ah, j'ai tous mes achievements à Battlefield. Ça change quoi au fait? Je te plie d'en face pareil. Je suis peut-être meilleur que toi et j'ai aucun achievement. Non, ça change ça, rien. T'as juste ramassé genre 25 shotguns à terre. Si, bravo. Si à la base je suis meilleur que toi dans un first person shooter, moi, puis d'en face pareil. J'ai pas besoin de mettre autant d'heures que toi. C'est toi le zouf qui a passé 300 heures à essayer de tirer un gars dans un baril, puis dans un hélicoptère qui tournait dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Pendant une map de nuit, ok? Mettons que c'est ça ton achievement. T'as passé 300 heures à essayer de le faire une fois. Chaque fois, tu sacrais, puis t'aimais pas ton jeu. Puis. Tu t'es pas amusé pendant ce temps-là. Pensez à moi, j'ai pris la base du coup, je t'ai tiré dessus, j'ai bien du fun à le faire. Moi, à faire sacré. Quand je me promène dans un jeu, je veux jouer, je veux faire l'histoire, je veux avancer. Hey, dans Uncharted, un excellent jeu. Les trésors. Ça débloque des trucs intéressants. Mais là, intéressant, on s'entend, là, des grosses guillemets. Il n'y en a pas. Sans faire. Ben, mais tu peux jouer. Ça empêche. Puis il y a quand même des heures de jeu, là. Dans Uncharted, là, c'est pas. Il pourrait peut-être en avoir un petit peu plus, mais tu sais. C'est pas le 3, là. C'est pas si pire que ça. Assassin's Creed 3, là. Moi, j'ai, à un moment donné, hein, les petites missions là, avec les colons là, sur ta terre, puis les aider, puis le marchandage de peau, là, j'étais là. Ouais, mais je peux finir le jeu pareil. Ok, ça sert à rien. Si tu peux finir un jeu, le story mode d'un jeu, le compléter, puis que ça change absolument rien, ça ne sert à rien. C'est comme un film avec des personnages que tu vois, puis que à la fin du film, tu fais qu'est-ce qui a amené ce personnage-là dans le film? Va y prendre note ici qu'on ne parle pas des figurants. Non, non, sur les figurants, ça en prend, là, ça en prend là, du mais monde. Ça en prend des red shirts dans un film pour mourir. Mais tu sais, t'as toujours l'effet aussi side quest. C'est important de garder ça, les side quests qui ont peut-être pas rapport à l'histoire, mais qui sont intéressantes. Oui, c'est mais ça. Ramasser 50 pots comme dans World of Warcraft pour ramasser 50 pots. Non, c'est non. Ça. Non, mais c'est ça. Il y a une différence entre side quest, genre. Et perdre ton temps. Dragon Age. Dans le monde du RPG, là, eux autres, ils l'ont compris, c'était quoi une side quest? Ou Mass Effect, on sait qu'on suit une side quest, ça bouge toute la personnalité d'une planète envers toi. C'est ça. Tu fais de quoi dans une side quest dans le 1, dans le 3, fait, hey, on taillit la face. Pourquoi? Ou, Star Wars The Old Republic. Ouais. C'est ça, tu sais. Ben, on est tout en train de parler de BioWare présentement qui l'ont l'affaire. Qui sont sa coche, là. On parlera pas de Old Republic tout court, là. Ça, c'est un MMO, là. Les MMO. C'est plein de trucs inutiles. Mais les MMO en général, c'est, non, c'est ça, mon non, opinion. C'est ça. Mais Knights of the Old Republic, un des meilleurs RPG que j'ai joué sur PC, c'était plein de trucs de même. Puis BioWare avait compris à l'époque, là, puis encore aujourd'hui avec les jeux qui sortent. Je veux dire, c'est pas compliqué. Moi, je veux passer à peu près, tu sais, une heure ou deux sur une side quest, mettons. Puis à la fin, j'ai l'épée de feu légendaire de ce royaume-là où je t'allais faire un tour le temps d'une coupe d'heure. Là, je reviens, j'ai cet item-là. Ça, c'est le fun. T'as du temps de qualité où t'es dans une storyline puis t'obtiens un item. Pas un Christie d'achievement pour 100 plumes. Je reviens souvent à ça, là, mais c'est le plus gros exemple, mais le plus flagrant que j'ai. Tant qu'à parler d'achievement, t'as une petite parenthèse humoristique. Il y a un jeu indépendant qui est sorti sur Steam il y a quelques jours. Et tant qu'à parler d'achievement, je veux prendre deux secondes pour parler des achievements de ce jeu-là. Vas-y parce donc. Que c'est les meilleurs que j'ai vus de toute ma vie. C'est un jeu qui s'appelle The Stanley Parable. C'est un jeu où on joue Stanley. Et c'est un jeu avec une narration active. Dans le fond, c'est qu'on on fait quelque chose, mais tu sais, le narrateur nous dit normalement qu'est-ce qu'on doit faire, puis on peut faire screw you le narrateur, puis on fait autre chose, puis le narrateur est offensé, puis il change plein d'affaires. Bref, c'est une expérience que vous devez absolument jouer. C'est, bien c'est cool, disponible ça. Sur Steam. Et d'ailleurs, Mike, je te recommande fortement d'y jouer. Puis le jeu, il est pas très gros en plus, fait que ça vaut la peine. Mais il y a des achievements. Et juste pour vous donner une idée, il y en a pas beaucoup, je vais vous les lire. Le premier, c'est l'achievement 8. La description, c'est 8. Après ça, il y en a un autre que c'est « Click on door 430 five times ». Puis c'est dans le fond de cliquer 5 fois sur la porte 430 dans le jeu. Après ça, il y en a un autre que c'est « Achievement ». Puis il est écrit « Ceci est un achievement ». Après ça, il y a « Commitment » qui dit « Jouer à Stanley Parable pendant un mardi entier ». C'est bien drôle, ça. D'après ça, il y a Welcome Back, qui est de fermer le jeu et de le repartir. Là, tu vois, ça, c'est drôle. Puis après ça, c'est... il en reste 5 qui sont pas longs. Il y a Speedrun, qui est compléter le jeu en moins de 4 minutes, et ça n'inclut pas les loadings. D'accord. Après ça, il y a You Can't Jump, puis il est écrit sérieusement, on l'a désactivé. Après ça, il est écrit « Go outside, ne jouez pas à The Stanley Parable pendant 5 ans. » C'est ben niaiseux. Il y en a un autre « Beat the game, complétez le jeu. » Après ça, il y a « Inachievable » puis il dit « Cet achievement est impossible. » Ouais, sans faire, ça fait un peu... Un anti-achievement. C'est ça, un anti-achievement. Je trouve ça très, très, très drôle, moi. Sans faire, bien envoyé. Fait que c'est ça, je voulais faire la parenthèse en tant qu'à parler d'achievement, là. Eux autres, ils l'ont compris. Ils ont dit, ça sert à rien, fait qu'on va en faire des inutiles. Mais le pire, là, c'est que les achievements, c'est tellement rendu quelque chose de normal, mais pas quelque chose... Au-delà du normal, là, c'est... Hey, il y a des achievements, là, c'est important! Que ça rentre dans la tête du monde, puis même moi qui ai ça. Exemple. Vous savez que je suis un cheater. J'aime ça tricher. Quand j'ai commencé ma game de GTA V, j'ai checké les cheats, j'ai fait... Ouf, je vais me popper les armes... de la première sélection que tu ramasses. Pas très compliqué. Poc, poc, poc. Ce que ça dit, c'est que quand vous faites les cheats à Grand Theft Auto, les achievements sont désactivés. Oh non! J'ai fait... Je m'en sac. Mais là, pendant le jouet, à un moment donné, j'ai fait... Ouais, mais là, je préfère le cheat, puis là, redémarrer, puis je serais correct, puis j'aurais les guns. Pis... Fait, hey! Même moi, ça commençait à m'affecter, cette histoire d'achievement-là. Puis là, j'ai fait, ouais, on s'en sert avec des cheats, on s'en sert avec des achievements, j'ai des guns! Mais il y a des jeux plus gossants, genre Star Wars Force Unleashed. Il y a des cheats. Quand t'es fait, quand t'es unlock, t'es piqué à te saver. Ça, c'est plus chiant. Ça coupe. Mais évidemment, moi, je t'ai fouillé sur Facebook. Pas sur Facebook, mais sur Google. J'ai trouvé une façon de starter les cheats puis d'avoir mes saves pareils. Parce que je suis un gars plein de ressources comme ça. Mais tu sais, c'est pour dire que le jeu, ah non, vous faites des cheats, ça vous donne plein de guns, vous pouvez être invincible, pas mal d'affaires, mais vous n'avez pas d'achievement. Quelle punition. C'est où est-ce qu'il est le problème? Mais je sais pas si vous vous souvenez, au début de la génération PS3, Xbox 360, là, que la PlayStation n'était pas trop sûr avec les achievements, puis Microsoft avait vraiment implanté ça déjà. Moi, on était comme, ben là, ça n'ira pas d'achievement, pas d'allure. Je ne jouerai pas au PlayStation. Il y a du monde qui dit qu'il ne jouerait pas au PlayStation à cause des achievements. Après moi, ça m'a fait capoter. Après ça, on se demande pourquoi qu'on a des jeux avec 10 heures de gameplay qu'on paye 60$. L'industrie, ils voient ça, ils font « Wow! Nos consommateurs ont vraiment beaucoup de jugement. On va leur faire payer 60$ pour 10 heures de jeu. Ils vont l'acheter. » Ben, Chris, ils ont raison. Je sac pas beaucoup. En fait, je sac jamais à l'émission. Mais là, je l'ai fait. Puis c'est pas pour rien. Et je ne m'en excuse pas. Non, sans farce, là, ça me fait... C'est pas tout. Là, il faut... Ne faisons pas d'amalgame, c'est pas tous les joueurs qui sont comme ça, c'est pas tous les consommateurs. Mais mettons qu'il y en a une grosse partie. Tu te promènes un peu là sur Internet, les commentaires débiles que tu peux lire de la communauté des geeks joueurs, des geeks en général. Moi, j'en suis un, puis j'ai la fugace impression d'être nuancé dans mes propos, puis de pas partir sur des niaiseries. Mais tu sais, genre dire, ah non, là, le PSN n'aura pas d'achievement, qu'est-ce qu'on va faire? Joue à des jeux. T'sais, je rappelle là, qu'à l'époque du NES, il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Puis en plus, ben des fois, là, tu pouvais pas sauvegarder. Ça, c'était déjà. Puis, hey, puis c'était pour les jeunes. Il n'y en avait pas de réglage de niveau de difficulté aussi, des fois. Ouais, ça arrivait, ça. T'sais, vous oubliez ça, là, mais au NES, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des fois, c'était game mode A et B. Puis il n'y en a pas tant de jeux que ça qui ont ce genre de mode-là. Non. Ajuster mode normal, ça, c'est apparu majoritairement sur l'ère des 16 bits avec le Super Nintendo. Alors, pensez-y, là. Je me souviens d'un certain jeu Game Boy, Super Mario Land 2, où c'est que le mode easy, c'était un cheat. Ça a été appuyé sur select, puis c'était pas écrit dans le manuel. Non, mais t'es juste Super Mario Bros. Pas Super Mario Bros. 1, mais t'es au Game Boy, là, le vieux, là, Super Mario Land 1. Là. Ouais, c'est bon. Ah, il était tough. Il était vraiment tough. Mais j'ai l'impression qu'à force de jouer, ce qui se passe, c'est que. Hey, Grand Theft Auto, là. On va en parler, là. Grand Theft Auto 5, là. Il est pas long, hein? La storyline est excellente. Sans faire cette histoire, là, elle m'a vraiment fait triper. Le scénario avec Michael, ben Franklin, il aurait pris plus de viande un peu avec son chemin, là, mais avec Trevor, c'est excellent. C'est vraiment pas assez long. Là, moi, j'ai fait le fameux délit d'initié, là. Si vous prenez sur Internet, c'est que vous faites toute la quest au complet, la main story avec vos personnages, vous faites le gros coup de la fin, vous avez plusieurs millions. Puis après ça, vous faites les missions d'assassinat que Lester donne à Franklin, puis vous faites vous mettez de l'argent en bourse selon les indications, là. Puis vous devenez ultra, supra, multimillionnaire, presque milliardaire. Après ça, là, quand ça c'est fait, là, puis là, disons que tu skips les cinématiques pour aller plus vite, là, parce que mettons que tu as commencé ta game, puis que tu veux la recommencer pour faire le délit d'initié, c'est pas moi pas tout. C'est pas long, là. Sans faire, c'est vraiment pas long. Puis après ça, qu'est-ce que t'as à faire? Quelques petites side quests. Intéressantes. Mais sans plus. Là, moi, j'ai pas mal fait le tour. J'ai 75% du jeu de fête. Puis là, 75%, il me reste 2-3 affaires à faire avec Franklin que ça me tente pas de faire pas en tout. Qui c'est pas intéressant à faire. Comme là, exemple, ramasser des morceaux d'OVNI. Genre? Encore une fois. Voyez ici la référence à des plumes d'aigle. J'ai ramassé 30 morceaux de sous-marin pour une fille que ça donnait à rien. D'ailleurs, GTA 5, c'est un peu chiant pour ça. Il n'y a pas mal d'affaires que tu fais pour rien. Là. Après ça, là, tu peux aller ramasser des déchets nucléaires en sous-marin. Nucléaire. Ça a l'air qu'on a un achievement, Salon Diego. Oh yeah! Diego nous dit qu'on a, en fait, on a unlocké l'achievement des geeks chialeux et nostalgiques des années 90. Merci beaucoup, Diego. Mais je te fais un doigt d'honneur. Amical et ironique. En réponse à ton achievement. Mais merci, Diego. Ouais, c'est ça. Là, t'as plein d'affaires à mon soir en tête photo. Ce que là, moi, j'ai fait. Moi, je m'ai essayé l'online. L'online, pour le moment, qui me fait vraiment suer parce que là, je parle pas du technique, là, c'est stable, ça va bien. Nos personnages sont encore là. On peut jouer. J'ai joué hier avec deux amis. C'est vraiment le fun. Primordialement, il marche. Ouais. Jouer avec les amis, c'est le fun. Parce que, tu sais, on est quand même, on joue. C'est une autre dynamique de jeu que la plupart des trucs de multiplayer. Mais à date, là, l'émission, c'est bon, ben, des team deathmatch, puis faire de la course. Puis là, ben, tu peux voler des chars, puis aller voler de la drogue à des gangs. Ça, c'est le fun. C'est une dynamique intéressante. Surtout pour justement les vols, la drogue, puis tout. On débarque à une place, on les gunne, on se fait courir après. Il y a de l'action, c'est intéressant. Mais là, faire des courses, là, puis des deathmatch, là. Des deathmatch, là, je vais jouer un first-person shooter. Premièrement. Puis des courses, ben je vais jouer à un jeu de course. Ouais, mais ça, c'est la mentalité des joueurs moyens. Là. C'est comme genre, hey, j'ai la possibilité de faire des coups, des vols de banque avec mes chums. Je peux essayer d'aller genre, faire des coups au cartel dans le coin. Je peux faire plein de choses, mais j'ai des guns. Fait qu'on va faire quoi? Call of Duty. Ouais. Mais ce que tu me fais penser, c'est tellement une des side quests qu'il y avait dans Red Dead Redemption quand il fallait que le personnage aille dans le désert aller chercher 7 plantes en particulier dans la zone où il y avait juste des pumas. Et ça finissait tout le temps invariablement que je me faisais brûler par un puma. Ben c'est ça, tu sais. Mais c'est correct qu'il y ait... comme dans Skyrim, la quête là, avec le Ninroot, là. Ouais, c'est ça, ramasser des plantes. Wow, c'est le fun. Tu dis, bah, mais quand je tombe dessus. Mais à la fin, j'ai remboursé même plus. J'étais carré. Il y en a tellement de quêtes comme ça dans Skyrim. Mais dans Grand Theft Auto, c'est correct qu'il y ait tout ça. Mais mettez des. Tu sais, encore une fois, j'utilise l'expression, mettez des missions qui ont de la viande. Vous êtes une gang, on est 6 joueurs en multiplayer, là. On veut que ça rock, là. On veut se faire courir après. On veut avoir des missions comme. Mais en tout cas, bref, là, pour le moment, j'ai pas été super impressionné par les missions en tant que telles dans le multiplayer. C'est le fun. La dynamique est le fun, mais bon. Tout ça pour dire que les achievements, ça me fait chier. Voilà. Je pense que c'est un bon pétage de notes, ça. Bon, on en a-tu un autre, là? On est parti, là. Non. Et puis, parenthèse, avec GTA 5, j'ai vu... Andrew m'a montré un très bon meme cette semaine sur Internet. C'est le meme de « We have an army, we have a Hulk ». C'était le meme « We have an army », puis GTA 5 dit « We have a Trevor ». Ouais, effectivement, ça marche très bien. Surtout avec les modes, l'émission de... C'est des massacres là, en anglais, je me rappelle jamais c'est quoi le. Ben, je pense que Rampage. Ça. Rampage. Tu restes dans le milieu d'une place, puis ta, tu gunnes tout le monde. C'est pas vrai. C'est le fun à faire. Ouais, mais autre truc aussi, les polices, là. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un trop gros décalage entre l'online puis le story mode. J'ai l'impression que la police réagit plus vite, il gosse plus longtemps, t'es plus faible. Là, tu dis oui, faut que tu montes tes niveaux parce qu'on commence vraiment avec des stats vraiment de marde comparé au personnage du story mode. Mais, il me semble, ça, quand tu joues au story mode, là, depuis le début, là, tu starts le online, là, tu fais un Christy de ça. En face, là. Puis moi, à chaque début de mission, je m'achète un petit gilet pare-balles au cas. Tu sais, j'étais au début, là, je suis au 10e rang, là. Je suis vraiment au début, puis. Avec ou sans, ça fait pas grand-chose de différent, là. Mais bon, tu sais, je comprends qu'il y a le système de level, mais bon, il y a un gap. On peut se péter un coche, les systèmes de level, les shooters. Ça, je commence à être écœuré, là. T'achètes un jeu, c'est très jouable, de ben du fun, un mois plus tard, plus jouable. Mais je sais pas, moi, j'ai pas eu l'impression. Quand j'ai joué à Battlefield 3, mais Battlefield, c'est à cause qu'il est bien fait, là. Ouais, c'est calibré. Call of Duty. Non, mais Call of Duty, pour. T'arrêtes de jouer un mois, tu te plies en face. Non, on vous le dit, mesdames et messieurs, là, pour ceux qui s'attendent. Est-ce qu'il y a une critique du prochain Call of Duty à puissance maximale? Il y en a pas. Il y a des bonnes chances qu'il n'y en ait pas. Parce que c'est pas un jeu intéressant. First person shooter... On est vraiment en train de faire du bashing. Oh oui, ça. Mais là... Mais non, mais du bashing constructif. Call of Duty, là, oui, effectivement, là, le truc de niveau, il est mal balancé au multiplayer, ce qui fait que... Et la mauvaise idée de pas jouer pendant 3 mois, là, tu m'en reparleras. Les histoires, mais, là... Mais Battlefield, exemple, t'as fait un drop-in... quand même ben pas oui. Mal longtemps. Puis là, même si t'as un meilleur gun, mais écoute, si t'es bon. C'est ça. Moi, j'avais des guns de... Même si t'as un tire-poids. Battlefield, ça va bien tant que t'as mis les visées. Une fois que t'as débloqué les visées, tout va bien. Avant ça, tu pleures. Moi, bon, c'est pas si mal. Ben, je m'excuse, Julien, mais moi, j'ai joué en hardcore. Fait que les musées, ils servent à rien. Hein. Oh oui, mais quand même. Ouais, ben, moi, de mon côté, ça avait bien été. Mais non, c'est ça, Call of Duty, on le sait. Non, on dit tout le temps, pareil, là, vous dites, ouais, mais vous venez de dire que pourquoi changer de formule gagnante? C'est parce que... Ça fait 20 fois. Ça fait 20 fois, là. Call of Duty, les shooters, on la connaît, là, la dynamique. Les story modes sont pas plus longs, sont pas meilleurs. Go! Mais j'avoue que habituellement les story modes sont meilleurs sur Call of Duty que Battlefield. Et que oui. Mais, on s'entend-tu que votre force, c'est arrêter d'en faire, à la limite. Arrêtez de faire des story modes. Faites des jeux multiplayer, là. Arrêtez, là. Soyez honnête avec nous autres, là. Arrêtez de mettre de l'argent là-dedans. Tu parles de Battlefield ou Call of Duty? Là? Ben, Battlefield, c'est les ça, deux, à la limite. Battlefield, c'était juste du multiplayer au départ, là, à la source de tout. Là. Il n'y avait aucun story mode dans les Battlefield. À la limite, c'est ça. Contrairement à d'autres jeux, là, que je dis arrêtez de faire des multiplayer juste pour rajouter des heures de jeu à votre jeu qui n'a pas assez d'heures de jeu. Parce que vous êtes des... En tout cas... Des cabochons. Des cabochons. Puis, au contraire, un jeu qui est supposé être, de façon basique, un multiplayer, enlevez le Christy de story mode, mettez de l'argent dans le multiplayer, faites quelque chose de bien à ce niveau-là, puis ça crée nous patience. C'est comme SimCity qui est tombé multijoueur. On connaît toute l'histoire qui est arrivée, hein? Oh oui, SimCity 5, un vibrant succès? Je ne crois pas. Non, ça a été un fail. Alors, total. On tient ça, les vieux geeks des années 90 qui chialent, là. Unreal. Non, c'est pas une... Moi, c'est le consommateur qui est tanné de payer 60$ pour des jeux nœuds où il n'y a pas de matière. Là. Ben ça, moi, j'aimerais ça avoir un shooter que je paye 60$ pour de quoi, qu'il n'y a pas de level, que tout le monde a les mêmes guns. Pis que c'est le talent qui joue. Non, mais tu sais, à la limite, si tu débloques des guns, ok, mais que ça soit pas l'élément fondamental qui va balancer en ta faveur. Mais ça, dans Battlefield, moi, sans face, là, j'ai dégommé du monde, il était pas mal plus haut level que moi, pis. Ça change rien. J'ai pas eu de problème, là. Mais, en tout cas. Tout ça pour. Mais tu sais, en plus, on parlait avec Diego, là. On parlait avec Diego dans sa dernière chronique, là, que les jeux ont. Tout le monde, les jeux sont plus chers qu'avant. Finalement, non. En argent constant, on paye à peu près les mêmes prix qu'à l'époque. Mais le problème, c'est pas ça. C'est ce qu'il y a dans le jeu qui est le problème. Ils nous vendent le même prix, mais c'est pas aussi intéressant. C'est vraiment pas aussi intéressant que certains jeux. Hey, les RPG, là, à la Final Fantasy 3 ou 6, là, pour les puristes, là, Chrono Trigger, Secret of Mana, y en a-tu des heures de jeu là-dedans? Puis qu'on passe à Final Fantasy 13. Y en a-tu des heures de jeu là-dedans? Oui! Y a-tu un storyline intéressant? Oui! Un des meilleurs auxquels j'ai jamais joué. Et Skyrim? T'as peu. Xenogear. J'ai jamais joué avec Xenogear. 80 heures facile. T'sais? Skyrim? Non, mais c'est ça. Skyrim, c'était un peu un... Un ovni? Bethesda, là, dans leur série Elder Scrolls, là, c'est vraiment un ovni dans le monde du jeu. Parce que... Ils ont tout pour qu'on les déteste, mais on les aime pareil. Ils ont tellement des storylines intéressants... c'est sûr que ça fait 20 fois que tu fais le story mode principal, tu te tannes, là. Mais les side quests, il y en a combien? Puis c'est fait pour que t'aies envie d'aller te promener sur la map. Moi, Grand Theft Auto, là, aller faire du char, là, je rencontrerai personne qui va me tirer dessus. Je peux pas tomber sur un... Ben, il y a des événements... Mais il y en a moins que je pensais. Impromptus, mais c'est pas super long. Mais tu sais, dans Skyrim, là, puis en plus avec l'univers des modeurs, autre raison d'avoir Grand Theft Auto 5 sur PC, là, c'est d'augmenter la valeur de rejouabilité de ce jeu-là. Ça va être malade là, s'il sort sur PC. En tout cas. Peux-tu profiter de cette ambiance de chialage pour faire un crochet? Un crochet? Ben vas-y donc. Je vais... Parce que l'émission est presque terminée. Je sais, mais justement, on n'aura pas le temps d'aller en toune. Mais je vais toucher quelque chose que pour moi, c'est un holy grail. Vas-y donc. Sega. Oui. Ils m'ont fait suer au plus haut point cette semaine. Oh, comment ça? Ils ont mis une image sur leur site qui était une genre de main qui disait le 29 octobre, les entrailles seront... Ils avaient mis des lignes. C'était comme pour teaser. Okay. Le 29 octobre. Là, je me disais, OK, un jeu de survie avec des zombies, peut-être. Ou encore, peut-être un House of the Dead, ça serait cool. Puis, tu sais, je commençais à songer à des choses, puis je me disais... Hey, Sonic Zombie. Tu sais, quelle franchise pourrait sortir? Ou à la limite, un DLC thématique pour un jeu ou quoi que ce soit, ça aurait été cool. Typing of the Dead. What? Ils ont, lorsqu'il avait sorti House of the Dead 2, ils ont eu la brillante idée, à un moment donné, on va sortir un clavier, on va faire un genre de tape-touche avec House of the Dead, où pour tuer les zombies, ben, il faut taper sur les bonnes touches, sur les mots. À dire, Andrew, le clavier avait été sorti pour le browser de la Dreamcast. En plus. Pas pour ça. Ils ont sorti ça pour booster les ventes du clavier. Fait que bref, tu vois le scénario, là? Fait que là, ils ont décidé de sortir de Typing of the Dead Overkill sur PC. Tu me niaises? Non. En fait, pétard mouillé, hein? C'est comme grosse annonce! C'est comme. Hey, je m'excuse, là. Mais tu sors un nouveau Sonic, là. Ils ont sorti Sonic Lost World. Il n'y a même pas eu ce teasing-là sur Internet, sur les Facebook, puis quoi que ce soit. Puis là, tu me sors une cochonnerie comme The Typing of the Dead, puis tu fais du teasing puis de la promotion comme « Vous l'attendiez, on sort Typing of the Dead! » Non, on l'attendait pas. Tu sais, c'est comme « Hey, si je vais apprendre à taper sur mon clavier, là, je vais aller sur Internet. » Il y a des applications gratuites. Je vais me pogner de tape-touche, tu sais. Ou je vais aller suivre un cours. Ou je vais taper sur mon clavier. Ah, bref. C'est ça. N'importe quoi. Tu sais, pourquoi je vais aller m'acheter un jeu, genre, comme ça? C'est comme... Ouais. Bref. Mesdames et messieurs... On suivra les ventes la semaine prochaine. C'était le segment de la deuxième heure de Puissance Maximale. De Geek Chialeux, vraiment. Donc, voilà. C'est déjà la fin de Puissance Maximale. J'espère que vous êtes aussi divertis que nous. Ça fait du bien de chialer quand même. Are you not entertained? Ouais, effectivement. Donc, merci à monsieur Julien Matin d'être passé pour nous avoir parlé de Batman Arkham Origin, de nous avoir parlé de BD, thématique Halloween, horreur, gore. Merci beaucoup, Julien. Ça fait plaisir. Merci à Marc-Émile d'être passé. Ça fait plaisir. Merci à monsieur Castegan à la console. Merci de ton bon travail, Andrew. Tu sais, j'ai des images de Typing of the Dead sur mon ordi, si tu veux voir après. Non, ça va aller. Et mon ami Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là à chaque semaine. Et hey, je vous rappelle en même temps que ma première chronique dans le Peuple de Lévis sera dans le journal du 6 novembre prochain. Et ça s'appelle « Jeux et responsabilités ». Vous irez lire ça sur le site du Peuple de Lévis. On va vous mettre ça sur la page Facebook un peu plus tard dans la soirée. Et donc, mon ami Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine. Et on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez aller écouter nos anciennes émissions. On s'excuse, il n'y aura pas l'émission au complet cette semaine à cause d'un problème technique. Mais vous allez avoir le côté chiolage, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, taper Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver très facilement. Allez appuyer sur le bouton j'aime, partager par la même occasion la page de CJMDFM pour faire connaître la station de Lévis, la seule station sur la Rive-Sud, on vous le rappelle. Et pour terminer, je vous rappelle constant chaque semaine de passer une excellente semaine de jeu. Une excellente semaine d'achievement. Ah non, jamais. Jamais. Get a little harmonica. Woo! I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement, bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right, take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool.